Made in, aux mélodies des minarets. 14-26, bête noire, écoute mon jihad. De peine à comprendre, écoute mon graphie. Made in, la lettre I et le chiffre dans le E. Un chat, j'ai dans la gorge, mais un tigre enragé. Made in, aux mélodies des minarets. Une bête noire qui vit trop près d'une maison d'arrêt. Celui qu'on met à l'épreuve, qu'on accuse sans preuve. Issu d'un peuple de main d'œuvre qui ne parle que de guerre, d'histoire, géographie. Qu'on peine à comprendre depuis l'échographie. Qu'on prend la lettre I et le chiffre dans le E. Ça s'appelle M-E-D-I-N-E. Pourquoi je rappe comme rugit le lion? Pour trouver, apporter la solution, non. Je crois bien que c'est plus profond que ça. Grandir avec ça de 12 à 22 ans. C'est dans mes gènes, dans mes veines et dans ma peau. Parler de ce qui ne va pas, c'est ça mon boulot. Un crayon, une feuille blanche et un bon dictionnaire. Pour combler les lacunes élémentaires, moi je m'en veux. D'avoir séché des cours, d'avoir choisi la sortie plus que la roue de secours. On se refait pas mais on se rappelle de nos erreurs. Faut que je m'améliore avant que vienne mon heure. Face à la mort, le monde croit se dépêcher. Mais c'est comme vouloir mettre un terme à nos péchés. Mes projets, la victoire décrochée avant d'entendre le clocher. Voir ma famille protégée. Écoute, moi j'ai rien de particulier. Je suis pas batteur et mon discours est régulier. Là où je suis né, c'est là qu'est mon récit. Naturellement moi-même, c'est risqué aujourd'hui. C'est pas un chat que j'ai dans la gorge, mais un tigre enragé. Alors je me crache avant de finir allongé. Et ensuite, je reviendrai au minaret. Loin des miradors et des maisons d'arrêt. C'est ici à Médine que reposera mon esprit. Comprends l'immigration de toute une vie et adopte ma pensée, le temps d'une musique. Ma vision de monument en mosaïque. De l'Empire ottoman jusqu'au royaume d'Asie. D'Andalousie en passant par les buildings de Malaisie. De l'ascension de Jésus à la chute de Rome. Jusqu'à la traite des hommes, c'est mon histoire. Et c'est plus que la tienne. Je l'arracherai comme scalp de Cheyenne. Et j'en ferai une chanson, un album ou un livre. Peu importe du moment qu'on la délivre. Alimenté par les conflits armés. C'est mes écrits et leur logique désordonnée. Un jour on m'a dit vouloir comprendre les humains. C'est comme vouloir stopper les vagues avec ses mains. On apprend l'importance des choses mais bien trop tard. Et tant qu'il y aura de la vie, il y aura de l'espoir. Que tu sois blanc, maghrébin ou d'Afrique noire. Écoute mon histoire. Médine, aux mélodies des minarets. Une bête noire qui vit trop près d'une maison d'arrêt. Celui qu'on met à l'épreuve, qu'on accuse sans preuve. Issu d'un peuple de main d'œuvre qui ne parle que de guerre, d'histoire, géographie. Qu'on peine à comprendre depuis l'échographie. On prend la lettre I et le chiffre dans le E. Ça s'appelle M-E-D-I-N-E. Médine, aux mélodies des minarets. Une bête noire qui vit trop près d'une maison d'arrêt. Celui qu'on met à l'épreuve, qu'on accuse sans preuve. Issu d'un peuple de main d'œuvre qui ne parle que de guerre, d'histoire, géographie. Qu'on peine à comprendre depuis l'échographie. Qu'on prend la lettre I et le chiffre dans le E. Ça s'appelle M-E-D-I-N-E.